Ile tam powstanę stara raczej była kosa samolita. Ale to bez strony stary pekosem była i zem. Łez za mnie zem. Na malety to mile. Od miłatem ciągnąłem. Sans de la bis. Lidę grubis. Stacjonnement. Au parlement. Mur de Berlin. Ancienne. Je me raccroche à ce monument. Le président des stars, mais quand j'ai vu un visage, moi c'est un délicat. Non, mais là, c'est pas grave.